Les elfes. Poème de Charles-Marie le Comte de Lille. Paru en 1855. Couronnés de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine. Du sentier des bois au daim familier, sur un noir cheval sort un chevalier. Son éperon d'or brille en la nuit brune, et quand il traverse un rayon de lune, on voit resplendir d'un reflet changeant sur sa chevelure un casque d'argent. Couronnés de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine. Ils l'entourent tous d'un essaim léger qui dans l'air muet semble voltiger. Hardi chevalier, par la nuit sereine, où vas-tu si tard ? Dit la jeune reine. De mauvais esprits hantent les forêts, viens danser plutôt sur les gazons frais. Couronnés de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine. Non, ma fiancée, aux yeux clairs et doux, m'attend, et demain nous serons époux. Laissez-moi passer, elfe des prairies, qui foulez en rond les mousses fleuries. Ne m'attardez pas loin de mon amour, car voici déjà les lueurs du jour. Couronnés de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine. Reste, chevalier, je te donnerai l'opale magique et l'anneau doré. Et ce qui vaut mieux que gloire et fortune, ma robe filée au clair de la lune. Non, dit-il. Va donc. Et de son doigt blanc, elle touche au cœur le guerrier tremblant. Couronnés de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine. Et sous l'éperon, le noir cheval part. Il court. Il bondit et va sans retard. Mais le chevalier frissonne et se penche. Il voit sur la route une forme blanche qui marche sans bruit et lui tend les bras. Elfe, esprit, démon, ne m'arrête pas. Couronnés de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine. Ne m'arrête pas, fantôme odieux, je vais épouser ma belle aux doux yeux. Oh, mon cher époux, la tombe éternelle sera notre lit de noces, dit-elle. Je suis morte. Et lui, la voyant ainsi, d'angoisse et d'amour, tombe mort aussi. Couronnés de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent sur la plaine.